Boum Boum Mo. Boum Boum Mo. Musique française. Des années 60 à 80. Il est 22h et vous êtes à l'écoute de Prune sur le 92 FM et le www.prune.net et c'est l'heure de Boum Boum Mo. C'est Jonas cette semaine aux manettes et j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir un DJ sympathique d'envergure nationale, que dis-je, internationale, qui va nous présenter une sélection Italo Disco, donc un mix qu'il a préparé dimanche dernier, sur un coup de tête, comme ça, on dirait que les dancefloors lui manquent, hein, et j'ai envie de lui dire qu'il n'est pas seul, on est tous un petit peu en manque, je pense, de retrouvailles musicales. En tout cas, c'est notre mission à Boum Boum Mo et à Prune en général de vous faire voyager par la musique et par les émissions, et on espère se retrouver très rapidement sur les dancefloors. Et donc ce DJ, sans plus attendre, voilà, je vous le présente, c'est Aimé Jockey, tout simplement. Et on est parti pour un petit peu moins d'une heure de sélection, donc autour de l'Italo Disco. J'ai hâte d'écouter ça parce que voilà, l'Italo Disco, c'est plutôt cool. Et je me demande comment il a réussi, notre cher Aimé, à conjuguer ça avec la musique française et francophone. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente heure musicale et je vous dis à la semaine prochaine, toujours sur Prune, à l'écoute de Boum Boum Mo. Ciao les petits loups!

le tien dans ses bras, qu'il m'embrasse et m'embrasse, rêver. C'est dur d'oublier l'amour que je t'ai donné. Comment me faire pardonner le mal que je t'ai fait? I'm not afraid to die.

sed non satiata. Je préfère aux constances à l'opium aux nuits, l'élixir de ta bouche où l'amour se pavane. Quand vers toi mes désirs partent en caravane, tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. Sed non satiata. Jet dans la tête.

You've been so blind. I'm رسالة على رمقاتي وسال سكن في الخلاف يجبل بوقرنين